mon cœur est en flamme quand je te vois dans la rue. Quand tu me vois dans la rue, mon cœur est en flamme quand tu me vois dans la rue. Quand je te dis bonjour.